Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 1er février 2021. Voici tout de suite les grandes articulations. Une première séance de dialogue entre le Conseil national de la communication et les médias sous sanction a eu lieu ce matin. Le président de la République l'avait recommandé au CNC la semaine dernière pour envisager la reprise de leurs émissions et publications. Et la mutuelle de la fonction publique envisage prendre en charge toute la population burundaise en matière de soins de santé, mais devra pour cela changer de nom. Vous entendrez les explications de la directrice générale Annonciata Sendazirasa. Et l'interdiction de griller du maïs sur la voie publique en commune Ngozi est salutaire pour la population qui ne gaspille plus sa récolte. La mesure a été prise par l'administrateur. Et en actualité internationale, en Somalie, au moins 9 personnes ont été tuées et une dizaine de blessés ce dimanche dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio. Une attaque revendiquée par les Shebab. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Chaque Burundais doit avoir droit aux soins médicaux, comme le prévoit la constitution du Burundi. C'est dans cette optique que la mutuelle de la fonction publique compte prendre en charge toute la population sans exception aucune pour parvenir à répondre au code de la protection sociale. Annonciata Sendazirasa, directrice générale de la mutuelle de la fonction publique, indique que cette réforme exigera de changer l'appellation de cette structure. On l'écoute. J'aimerais vous dire que les jours à venir, nous changerons même de nom. Ce ne sera plus la mutuelle de la fonction publique. Parce que le code de la protection sociale nous demande d'ouvrir les portes à toute la population. Nous attendons les textes d'application pour que nous puissions pouvoir mettre au niveau de la mutuelle, qui sera désormais nationale, que même les domestiques et tout le monde puissent avoir le droit de se faire soigner. Parce que maintenant, nous allons quitter ce que nous appelons la sécurité sociale, qui était dédié uniquement aux employés qui sont dans le code du travail. Mais aujourd'hui, vous savez que le code du travail ouvre même à tout le monde, même les domestiques pourront avoir les droits dans le code du travail. De la même manière, nous avons maintenant le code de protection sociale qui prend en charge toute la population. Nos employés ont déjà travaillé sur ces textes. Nous attendons de pouvoir les donner et que peut-être dans les 3 premiers mois de cette année, nous puissions avoir terminé bien son travail, que nous puissions envoyer ces projets de texte d'application à notre ministère et que le ministère puisse les amener au gouvernement et que par après nous puissions prendre en charge toute la population burundaise parce que c'est leur droit, c'est marqué dans la constitution du Burundi. Annonciata Sendazirasa, directrice générale de la mutuelle de la fonction publique. Et la mesure prise par l'administrateur communal d'Ngozi interdisant de griller du maïs sur les voies publiques a produit des effets positifs dans les ménages. Beaucoup de nattes sur lesquelles sont séchées de graines de maïs se font voir presque dans tous les ménages des zones Mivo et Mubuga de cette commune. C'est au moment où ces derniers temps, la récolte était gaspillée vers le marché, principalement à destination de ces lieux de grillade. La population salue cette mesure qui, selon elle, contribue à la lutte contre la famine. Apollinaire Muzagara. L'administrateur de la commune Ngozi indique que cette mesure d'interdiction de griller le maïs sur les voies publiques a été prise d'abord pour éviter le gaspillage de la récolte vers ces endroits de grillade et vers les marchés, une pratique faite principalement par des hommes. Une semaine après la récolte, trouver du maïs dans un ménage n'était pas chose facile, déplore Joseph Martin Wuchum. L'autre raison, selon cette autorité communale, est que cette pratique engendrait plus du banditisme dans les champs, sans oublier l'insalubrité des villes et centres urbains, car les consommateurs jetaient ici et là les restes du maïs. Même si la récolte de cette denrée n'est pas encore terminée, presque tous les ménages disposent de pas mal de quantités de graines de maïs sous le soleil, devant les maisons, chose saluée par la population, surtout les femmes et les responsables culinaires. Ces derniers parlent d'une mesure qui aide à faire face à la famine dans les ménages, surtout que la récolte de maïs est bonne pour cette saison culturelle. En province Ngozi, la population n'est pas habituée à cuire les graines sèches de maïs. Les épis sont cuits dans l'eau après la récolte ou consommés sous forme de pâte après la transformation de cette denrée en farine. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et les orpailleurs de la province de Kirundo sont au sommet d'avoir des licences et respecter l'environnement et surtout laisser l'image du milieu tel qu'il était avant l'exploitation minière. Ce sont les propos du gouverneur de Kirundo après des descentes sur les lieux d'exploitation dans différentes communes. Le gouverneur exige que la population environnante soit indemnisée pour les risques encourus à cause de ces exploitations minières. Abraham Safari. Les orpailleurs de la province de Kirundo sont interpellés à faire cette activité tout en ayant la licence d'exploitation, sans oublier le respect de l'environnement. Le gouverneur Albert Hatungimana l'a dit après des différentes descentes effectuées sur les différents sites d'exploitation éparpillés dans les communes de Busoni, Bgambrangwe, Gitobe et Nega. Le constat a été que, selon le rapport de cette descente, certains orpailleurs laissent les trous étranchés sans les terrasser, alors qu'ils sont demandés, selon la loi, de laisser l'image de la colline telle qu'il était avant l'exploitation. C'est l'exemple des sites des communes de Gitobe et Nega. En cette même commune de Nega, une entreprise Nega Mining qui exploite de l'or a laissé un grand tas de terre soutiré dans le sous-sol et la population située en dessous de cette colline s'inquiète qu'un jour cette terre pourra s'écrouler et démolir leur maison et pourquoi pas les enterrer. Ici, le gouverneur de Kirundo a demandé l'indemnité pour ses familles et comme ça, ils peuvent s'installer ailleurs. Tout comme la personne qui a été bloquée pour ériger la sanitaire sur la colline Ebaziro en commune de Gitobe. Les orpailleurs l'ont dit que l'espace sera exploité en passant par le sous-sol à la recherche de l'or. En commune de Bgambarangwe, on a constaté que les orpailleurs bloquent l'eau qui se jette dans le lac Kanzigiri. Ils ont été demandés de respecter les normes d'exploitation pour ne pas empêcher l'eau de continuer. Quant aux orpailleurs qui seront attrapés en acheminant l'or dans les pays limitrophes, ils seront considérés comme ennemis du pays et ils seront sanctionnés conformément à la loi. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et les tenanciers de salles de vidéo et cinéma en commune Vogizo de la province Makamba s'indignent de la suspension de leur activité par l'administrateur en raison du Covid-19. Ils trouvent plutôt qu'il s'agit de deux poids deux mesures car d'autres rassemblements de beaucoup de personnes comme les églises, les marchés et les bars n'ont pas été interdits. Jérôme Hakizimana. Selon les tenants des salles de vidéo et cinéma en commune Vogizo de la province Makamba, ils n'ont pas été convaincus de cette mesure prise par l'administrateur à leur intention, d'autant plus que d'autres places qui regorgent beaucoup de personnes comme les églises, les marchés, les bars et bistrots pour ne citer que cela ne sont pas concernés par cette mesure si réellement cette dernière vise la prévention contre la propagation de la COVID-19, disent-ils. Ils ajoutent que c'est encore incompréhensible que cette mesure soit prise seulement dans cette commune Vogizo parmi les six qui composent la province Makamba. Ces tenants de salles de vidéo s'interrogent si cette mesure serait venue des échelons supérieurs et pourquoi s'appliquer uniquement en commune Vogizo. Ils déplorent qu'ils éprouvent par conséquent des difficultés pour satisfaire aux besoins familiaux car c'est de cette activité que vivait leur famille et demandent à cette fête de laisser réouvrir les portes tout en observant scrupuleusement les mesures barrières actées par le gouvernement burundais. L'un d'eux qui avait travaillé sur dimanche à Rubanda de la zone Mhinga a été immédiatement convoqué par l'administrateur et a comparu ce lundi selon les sources sur place. Jérôme Akizimane depuis Vogizo. Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakizimana. Et en bref, à ce sujet, l'administrateur de la commune Vogizo en province Makamba a indiqué qu'il a pris cette mesure pour le bien-être de sa population. Gérard Hakizimana a expliqué qu'il ne pourrait pas fermer les marchés alors que c'est le lieu d'approvisionnement de sa population. Il demande aux tenanciers des salles de vidéo et cinéma de trouver d'autres moyens de subsistance et promet toutefois la réouverture de ces salles une fois que la situation sera moins alarmante. Toujours en actualité nationale, la non-protection de la propriété intellectuelle et le manque de capitaux font partie des défis qui freinent le développement de l'entrepreneuriat au Burundi. Cela est dit ce lundi par Aimable Manirakiza, directeur exécutif du Centre pour le développement entrepreneurial dans la région des Grands Lacs, CDE, lors de la présentation des idées clés du livre intitulé « Introduction à l'entrepreneuriat ». Gaston Sindaï-Gaïa, facilitateur, a dit que l'État et les entrepreneurs qui ont réussi doivent aider les jeunes entrepreneurs en leur octroyant des capitaux non remboursables dans le but de résoudre ce problème d'accès aux capitaux. Et je vous l'avais dit dans les titres, le dialogue du Conseil national de la communication avec les médias sous sanction se poursuivra cas par cas. Nestor Wangomukunzi, président de cet organe, l'a annoncé ce lundi lors de la réunion de dialogue avec les médias sanctionnés comme recommandé par le président de la République jeudi de la semaine dernière. Certains médias parmi les cinq ayant participé à cette réunion tenue à huis clos ont évoqué des questions dont l'attestation de non-poursuite judiciaire exigée pour la radio Bonécha FM, mais c'est un document qui n'existe pas selon le représentant de cette station, Elie Nibel Nibigira. Cette rencontre a vu la participation de cinq médias, sont d'autres invités. Pour ouvrir la réunion, le président du Conseil national de la communication explique qu'il s'agit de la réunion de prise de contact avec les médias sous sanction. Il déplore des manquements professionnels des médias jusqu'à arriver aux sanctions. Des informations fournies par les participants à la réunion disent que Nestor Wangomukunzi, patron du CNC, promet d'autres séances de dialogue, mais cette fois-ci, cas pour cas, afin que les dossiers soient étudiés différemment. Selon Nestor Wangomukunzi, le message du chef de l'État est tombé dans les oreilles qui entendent et informe que très prochainement, l'on va élaborer un chronogramme des séances de dialogue avec les médias, informe des participants à la réunion. Cependant, Wangomukunzi trouve que certains médias éprouveraient des difficultés même si les sanctions prises à leur encontre seraient levées suite au manque de moyens, donnant exemple de la radio Numbero FM. Des informations en provenance des participants à la réunion disent que le représentant du journal en ligne, Ikiriho, suspendu depuis le 12 octobre 2018 sous une décision du procureur général de la République, regrette que le dossier n'ait pas été transmis au niveau des juridictions. De son côté, le représentant de la radio Bonécha FM, poursuivre nos sources, montre que l'attestation de non-poursuite judiciaire exigée pour la station existe nulle part. Il appelle ainsi le CNC à intercéder auprès de la justice en faveur des médias afin qu'ils puissent reprendre leurs activités dans le respect de la loi. D'autres questions évoquées, c'est la fermeture du site internet du journal Iwacu. Une autre question soulevée concerne certains journalistes burundais en exil. Le président du CNC a répondu que cette question n'est pas dans ses prérogatives, mais qu'il faut plutôt la soumettre à d'autres services, confie les participants à la réunion à huis clos. Ont participé à cette réunion, les représentants de la radio britannique BBC, Voix d'Amérique, Bonécha FM, ainsi que les journaux Iwacu et Ikiriho. Merci Elie Nibel Nibigira. Du sport, en bref, avant la chronique sportive, comme tous les lundis, les équipes nationales du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont été éliminées en quart de finale dans le championnat d'Afrique des Nations CHAN. Et qui se déroule au Cameroun, c'est pour l'édition 2020. Le Rwanda a été battu par la Guinée hier soir sur un score d'un but à zéro, au moment où la RDC s'est inclinée par 2-1 face au pays hôte, le Cameroun. Les autres matchs qui ont été livrés en quart de finale, c'est le Mali qui a éliminé le Congo-Brazzaville sur la séance de tir au but après l'égalisation de 0 partout, après le temps réglementaire, au moment où le Maroc a battu la Zambie par 2-1. Les matchs comptant pour la demi-finale sont prévus mercredi de la semaine en cours et le Mali va affronter la Guinée tandis que le Cameroun croisera le fer avec le Maroc. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique sportive d'aujourd'hui, on vous propose une deuxième partie sur les compétitions dans différents jeux au niveau des pays membres de la communauté est-africaine. Laurent Zeimana, président du comité de pilotage de ces compétitions, fait savoir qu'un pays organisateur de ces jeux doit avoir des infrastructures sportives bien entretenues. Il ajoute que une compétition se tient lorsque les pays participants sont supérieurs à deux. Marie-Claire Cazenet. Les critères de participer dans les différentes compétitions organisées par la communauté est-africaine sont fixés par un règlement régissant ces compétitions. Cela est dit par Laurent Zeimana, président du comité de pilotage des différents jeux organisés au sein de l'EAC. Les critères étaient fixés par un petit règlement ad hoc parce que avant d'organiser la première édition, il y a eu des réunions préparatoires qui n'était d'ailleurs pas présidé par le Burundi, mais par le secrétaire de l'EAC. Et je me dis que pour fixer les critères, il y avait consensus. À la fin, c'était les équipes nationales qui devaient participer à ces Jeux parce que avant chaque compétition ou à la remise des médailles, c'était l'hymne du pays qui était entonné et qui était chanté. C'était au nom du pays, pas au nom d'un club vainqueur ou de vainqueur de coupe. Sauf au football, où la catégorie des moins de 20 ans ont pris part à la compétition. Ailleurs, c'était les seniors, c'était des nationales renforcées. Et vous l'avez remarqué au volleyball, comment c'était un spectacle où le Burundi se mesurait pour voir le niveau de la discipline concernée au niveau du Burundi. Ici, il nous parle des disciplines abordées dans ces compétitions. Les disciplines qui étaient présentes, il y avait d'abord le football féminin avec trois pays. Il y avait le netball des dames, il y avait le volleyball dames et messieurs, il y avait le rugby à 7, il y avait le tennis de court, il y avait la boxe, mais aussi il y avait le karaté pour les hommes. Ce dernier fait savoir que les karatékas burundais décrochent presque toutes les médailles dans la discipline de karaté. Je saisis cette occasion pour reféliciter encore une fois, comme j'ai toujours fait, la délégation burundaise de karaté qui a raflé presque toutes les médailles mises en jeu parce que dans le dojo national où se déroulait la compétition, c'était vraiment une ambiance quand le Burundi était sur le tatami. Parce que chaque fois le Burundi sortait, sur 10 médailles qui étaient mises en jeu, 9, combien étaient raflées par le Burundi. Malgré cela, Laurent Deimana indique que les équipes de football féminin et celles de netball affichent toujours un niveau très bas comparativement aux autres pays membres de la communauté est-africaine. Actualité internationale. Et en Somalie, au moins 9 personnes ont été tuées ce dimanche dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio revendiqué par les Chebab. Et en Birmanie, l'armée a arrêté la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, et a déclaré l'état d'urgence pour un an. D'autres nouvelles avec Mireille Kanyang. En République démocratique du Congo, la campagne des candidats commence ce lundi pour le vote du bureau de l'Assemblée nationale prévu mercredi. L'OFCC de l'ancien président Joseph Kabila proteste contre la mise à l'écart de ses candidats qui se sont présentés sous étiquette d'indépendants, ce qui, selon les partisans de Félix Tshisekedi, est interdit. En Somalie, la une est relative à la mort de 3 personnes et 6 autres blessés dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio, la capitale somalienne, une attaque revendiquée par les Chebab. Elle a eu lieu hier dimanche. Des explosions et des tirs ont été entendus pendant plusieurs heures. Dans son message de ce dimanche, le premier ministre somalien a précisé que parmi les victimes de cette attaque figure le général Mohamed Nour Galal, qui a servi son pays pendant plus de 50 ans. En Birmanie, les forces armées ont arrêté la chef du gouvernement Aung San Suu Kyi et l'armée a annoncé dans la foulé l'état d'urgence dans le pays pour une durée d'un an. Quant à elle, Aung San Suu Kyi a exhorté la population à ne pas accepter le coup d'état en coup de force dénoncé par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, l'Union Européenne, ainsi que la Chine. Dans les nouvelles de l'Union Européenne, l'Organisation Mondiale de la Santé critique l'annonce par l'Union Européenne de contrôler l'exportation des vaccins produits au sein du bloc européen. Cette organisation affirme que de telles mesures risqueraient de prolonger la pandémie. Et l'Union européenne, selon BBC, a introduit cette mesure dans le cadre d'une dispute avec les fabricants de vaccins sur les insuffisances de livraison. Merci Mireille. Et pour être un peu plus complet sur cette attaque des Chebab en Somalie, le dernier bilan fait état de 9 morts et une dizaine de blessés. D'après toujours nos dernières informations, les 3 assaillants ont été tous neutralisés par les forces de sécurité, le 4e étant décédé dans l'explosion de sa voiture. Et puisqu'on parle Covid aussi, plus de 200 écoles privées ghanéennes ont fermé leurs portes à cause du Covid-19, laissant plus de 40 000 élèves et près de 3500 enseignants bloqués. L'impact dévastateur de Covid-19 a contraint certains propriétaires à convertir leurs installations en appartement résidentiel, en auberge ou en maison d'hôte. Les statistiques du service de l'éducation du Ghana montrent que les écoles privées constituent 49% des infrastructures et 33% de l'ensemble des inscriptions au niveau pré-tertiaire. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.